Chapitre 3e. Alexandre Ivanitch triomphait. Non seulement Vaska était toujours sain et sauf, mais il était devenu le meurtrier de Kroustalev. Ses traces étaient perdues. Les bruits les plus divers couraient sur son compte, bien que l'on fût convaincu qu'il était caché dans le voisinage. Les investigations du juge d'instruction pour découvrir un si grand criminel restèrent sans résultat. Il était complètement dérouté. Ainsi se passèrent l'été et l'automne. Un soir d'hiver, Alexandre Ivanitch, rencontrant le juge, lui demanda « Eh bien, quand arrêterez-vous Vaska ?»« En effet, il y a bien longtemps que je le cherche. Mais pourquoi ne le prenez-vous pas vous-même ? Si je le veux, je le prendrai. »« Aujourd'hui même, parions. Voulez-vous » Alexandre Ivanitch fut pris au mot, et bien que la soirée fût déjà très avancée, il se mit en chasse sans retard, accompagné du juge d'instruction. « Vaska doit être ici, il ne peut être ailleurs, » affirma-t-il avec autorité. « J'ai dit que je le prendrais, et je le prendrai. » La nuit était fort sombre, et un vent assez violent chassait des tourbillons de neige sèche. Le commissaire, le juge et deux gardiens se dirigèrent vers les misérables isbas, qui touchaient aux limites de l'usine. Ils s'arrêtèrent devant l'une d'elles. Pendant que les gardes restaient postés dans la rue, Alexandre Ivanitch cognait la vitre d'une petite fenêtre. Après un long moment d'attente, la porte s'ouvrit doucement en grinçant. « Quel est le chrétien qui est là ?» demanda une voix cassée. « Veuillez recevoir un hôte, Oustinovna, » répondit le commissaire en frottant une allumette dans le vestibule. « Ah, c'est toi, Alexandre Ivanitch, mon petit père, » gémit la vieille. « Sois le bienvenu. » C'était la mère de Vaska qui vivait dans cette pauvre cabane. À peu près tombée en enfance, elle ne cessait de gémir et de trembler sans répondre aux questions que lui adressait le commissaire. Il suffit à celui-ci d'un coup d'œil pour fouiller la chambre, puis il descendit dans la petite cave au-dessous du plancher. Mais pas de Vaska. Il revint dans le vestibule sombre, flamba une allumette et faisant signe au juge de rester au pied de l'escalier de bois qui conduisait de là sous la toiture, il en commença lui-même l'ascension à pas de loup. Pendant un instant, ses jambes seules étaient visibles au juge, puis tout retomba dans le noir. Un silence de mauvais augure régna dans la cabane, jusqu'à ce qu'Alexandre Ivanitch eût allumé une autre allumette. Dès la première lueur de la flamme, une masse indécise passa rapidement devant lui et disparut par la lucarne. En un clin d'œil, Alexandre Ivanitch se précipitait à sa suite et venait s'abattre de tout son poids sur Vaska, enfoncé dans la neige. « Ah, je te tiens donc, forçat. Par ici les hommes, par ici !» En vain se débattait Vaska dans la neige pour chercher, en se tordant comme un serpent, à dégager son bras droit. Alexandre Ivanitch le tenait sous lui comme l'aurait fait un ours, serrant de la main gauche le poignet droit de Vaska, pendant que l'autre se crispait à la gorge. « Comment, canaille, tu ne reconnais pas ton parrain? Attends, tu vas voir comme il s'est arrangé !» Les gardiens, accourus au cri, s'étaient enroulés autour des bras et des jambes de Vaska, toujours silencieux et comme un faune. Ce ne fut du reste que l'affaire d'un instant. Pendant le trajet au bureau de police, il continua à garder le silence, mais lorsqu'en le fouillant, on découvrit sur lui un couteau caché dans sa botte, il sourit d'un air contraint et dit « Parrain, tu t'en es tiré à bon compte. Voilà un couteau que je te destinais. Tu radotes, canaille !» hurla Alexandre Ivanitch qui jeta par terre Vaska d'un coup de poing. « Tu te crois donc un brigand? Tu n'es qu'un sale chiffon, voilà tout. Regarde-toi donc avant de te dire assassin. Et cependant, tu as égorgé Kroustalev. N'es-tu pas honteux de te faire passer pour mon filleul ?» En effet, Vaska, en chemise, n'avait aucunement l'apparence d'un assassin. De taille moyenne, un peu voûté, avec sa petite tête, il représentait plutôt le type d'un ouvrier de fabrique qui joue de l'harmonica et non du couteau. Sa physionomie était insignifiante. N'étaient ses orbites enfoncées et son regard louche, on aurait cru avoir affaire à un bon petit jeune homme à l'intelligence obtuse qui aurait particulièrement bien tenu l'emploi de cocher. Stupéfait, le nouveau juge d'instruction se contenta de hausser les épaules à la vue de ce célèbre Vaska. « Êtes-vous bien sûr que c'est lui? Ne faites-vous pas erreur » dit-il à Alexandre Ivanitch. Ah ah! Grâce à Dieu, voici la sixième fois que je le prends. Ah, Vaska, misérable! Comment as-tu pu tuer un père de famille qui laisse sa femme et quatre orphelins sans ressources? Voyons, pourquoi l'as-tu tué? À cette question, les yeux de Vaska clignotèrent et des larmes coulèrent le long de son visage hâlé. C'est Dieu qui nous juge, Alexandre Ivanitch, bégaya-t-il. Je ne sais pas moi-même comment cela s'est fait. Seulement, quand j'aperçois ces forestiers, la rage me prend. Et devant ce Kroustalev qui me poursuit avec son revolver, j'ai vu trouble. Un nouveau coup en pleine mâchoire l'empêcha de finir. Le commissaire, dans un accès de rage, s'était précipité sur son filleul, qu'il assommait de coups de pied et de poing et traînait par les cheveux, en lui cognant la tête contre le plancher jusqu'à ce que le juge d'instruction parvint à l'arracher de ses mains. Mais la fortune est, comme on le sait, une personne capricieuse. La prise de Vasca ne fit qu'augmenter l'irritation de l'administration contre le commissaire. Une lutte sourde, d'escarmouches et de dénonciations s'engagea contre lui. Il était temps pour Alexandre Ivanitch, dont le passé était très chargé, de se soumettre à la force, mais il voulut remonter le courant. Alors ce fut une guerre sans merci, qui se termina pour Alexandre Ivanitch, malgré l'intercession du gouverneur, par sa comparution devant diverses autorités acharnées à sa perte. On le renvoyait de Caïphe à Pilate. En fin de compte, l'instruction fut confiée au nouveau juge, lequel s'efforça, bien entendu, de s'en tirer à son honneur. C'était sa première bonne affaire et le gibier était de taille. C'est ainsi que furent mises en pleine lumière d'anciennes histoires dont Alexandre Ivanitch avait depuis longtemps perdu tout souvenir. Les délits de corruption et de concussion s'élevaient à plus d'une centaine. Un an après seulement, le final de ce drame se joua devant le tribunal du district. Alexandre Ivanitch fut destitué et condamné à la déportation dans une des localités les plus éloignées. Après la sentence, son dernier mot fut « Pourquoi donc me jugez-vous, messieurs les jurés? Si on me condamne, il faut aussi condamner tous les autres commissaires. » Cette inconscience ne lui était pas personnelle. Combien d'autres, en Sibérie, chargés de semblables méfaits, auraient dit la même chose? Par une matinée ensoleillée de printemps, les portes de la prison s'ouvrirent pour donner passage à un convoi de prisonniers en partance pour la déportation. Ils devaient faire à pied cette verste pour rejoindre la plus prochaine station du chemin de fer de l'Oural. À leur suite, marchait une foule de parents pour leur faire la conduite, et les pleurs et les lamentations des femmes se mêlaient au bruit des fers des prisonniers en marche. Par un hasard malencontreux, le même convoi réunissait Alexandre Ivanitch et Vasca. Le premier faisait semblant de ne pas voir son filleul, mais celui-ci s'approcha de lui et lui dit avec douceur « Alexandre Ivanitch, pourquoi donc m'en veux-tu ? » « Ah, c'est toi Vasca ?» balbutia l'autre, troublé. « Oui, Alexandre Ivanitch, c'est moi, et je retourne au bagne à perpétuité !» répondit Vasca avec un tour de vantardise spécial aux prisonniers de marque. « Et tout cela pourquoi ? Je te le demande !» Simplement parce que j'ai manqué de 20 copecs pour empêcher mon premier procès-verbal. Et moi, à cause d'un valet de carreau, repartit Alexandre Ivanitch d'un air sombre. Parrain et filleul marchaient maintenant côte à côte, réunis par le même fatal destin. Mais ce qu'il y avait de remarquable, c'est que Vasca, loin de nourrir le moindre ressentiment contre son parrain, le plaignait du fond du cœur. Comment un homme comme Alexandre Ivanitch peut-il, tout d'un coup, être déporté dans les lieux d'exil les plus éloignés? C'était Le Filleul, récit sibérien, par Dimitri Mamine Sibériaque.